très bien, et toi? On se fait quoi les gars, on se fait une mesure comme ça. Attends, c'est pas... C'est...